Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guimouzo, anciennement Radio Trait d'Union, pendant une époque, pendant un certain temps. Notre radio s'est appelée Radio Trait d'Union. C'est bien Trait d'Union, hein. Alors, d'abord le calendrier, hein. Ensuite, Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Jean-Luc Mélenchon, l'heure est aux grandes causes de l'humanité. Raquel Garrido, LCP, sur la chaîne parlementaire, le gouvernement doit traiter en urgence le problème du racisme. Magouille de chiffres et propagande, la réalité du travail en France. Accord et Acri, une histoire du handicap en France. Piébaud, Kudjat, les propos d'une élue LR, démontés en 2 minutes. Adrien Quatennens, où se cache la République dans votre entre guillemets, arc républicain. Et puis une petite revue de presse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe

Mao Tse-tung donne des directives pour accélérer au maximum la collectivisation agraire. 1959, Inde. Le premier gouvernement communiste du Kerala, 1957-1959, est dissous. 1967, Cuba. L'Organisation latino-américaine de solidarité se réunit. 1981, Pologne. Jagielski, négociateur des accords de Gdansk, quitte le gouvernement où entrent trois généraux d'active aux côtés du général Jaruzelski. 1984, Bolivie. Le gouvernement lance une opération militaire dans la région de Chapare, déclarée zone d'urgence pour y démanteler le plus important réseau de cocaïne du pays. 1984, Iran. Fin juillet, la Fédération internationale des droits de l'homme s'élève contre la persécution de Baïs en Iran. Le bahaïsme est une foi non violente et modernisante, née en Perse au siècle dernier. La véritable instruction, c'est celle qui dépayse, signé André Gide. Ha nacido ya. Vengan antes que amanezca, que ya junta el día, la noche se va. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Lleguen de Pinchas y Chuqui, de Aminga y San Pedro, de Arauco y Poma. Antes que nadie lo adore, que sillos y flores le van a llevar. Al lugar que se dio, tomillo y darle a Julio Romero caballos de paso y su mula de andar. Y una casa y con guitarras iremos cantando por el olivar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme y al amanecer. Hay Navidad y hay Mogasta, a Ñapa y a Loja no habrán de faltar. Mientras la luna Johanna se muere de ganas de participar. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme al amanecer. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. Ayant devant les yeux, sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche. C'est le travailleur pâtre, ouvrier, patriarche. Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont pleins, ceux-là vivent, Seigneur. Les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre. Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutiles, épars, ils traînent ici-bas le sombre accablement d'être en ne pensant pas. Ils s'appellent vulgus, plèbe, la tourbe, la foule. Ils sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent. Bat des mains, foule aux pieds, bâille, dit oui, dit non, n'a jamais de figure et n'a jamais de nom. Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère, détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère, foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus, pêle-mêle et poussés aux gouffres inconnus. Ils sont les passants froids, sans but, sans nœud, sans âge, le bas du genre humain qui s'écroule en nuages. Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule, ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule, car je tente au hasard les cris, les voix, le bruit, ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi ? Ne point aimer ? Suivre une morne carrière, sans un songe en avant, sans un deuil en arrière ? Quoi ? Marcher devant soi sans savoir où l'on va, rire de Jupiter sans croire à Jéhovah, regarder sans respect l'astre, la fleur, la femme, toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme, pour de vains résultats faire de vains efforts, n'attendre rien d'en haut, ciel, oublier les morts. Oh non, je ne suis point de cela. Grand, prospère, fier, puissant, ou caché dans d'immondes repères, je les fuis, et je crains leur sentier détesté. Et j'aimerais mieux être, ô fourmis des cités, tourbe, foule, homme faux, cœur mort, race déchue, un arbre dans les bois, qu'une âme en vos cohues. Les pido disculpas porque hoy no voy a hablar español, pero francés. Como ustedes todas y todos lo saben, no estoy hablando como presidente de la República Francesa, pero puedo hablar como portavoz de los pueblos franceses de los Caribe y de América, porque ellos me dieron a la primera vuelta la mayoría de sus votos. Bien, je vais me contenter de jouer le rôle d'un des porte-parole de l'opinion progressiste européenne. Et ce sera pour vous dire d'abord notre stupeur après ce sommet entre l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et l'Europe. Pourquoi la stupeur ? Parce qu'il y a déjà 8 ans, il y a eu un tel sommet. Et nous n'avons observé aucun autre résultat qu'une montée du mépris, de l'inefficacité et du développement du modèle néolibéral dans le monde. Point final. Et là, on se réunit, il y a tous les pays européens, 33 nations des Amériques, et on ne trouve pas un instant pour essayer d'apporter une solution ou un secours au peuple martyr des embargos décidés par l'Empire depuis 60 ans contre Cuba et contre Venezuela. Alors que tous nos pays ont voté contre l'embargo contre Cuba. Alors si tous nos pays votent contre l'embargo contre Cuba, pourquoi, quand ils se réunissent avec l'Amérique du Sud, ils ne disent pas un mot de cet embargo pour essayer de soulager la peine du peuple cubain et de même du peuple du Venezuela? À quoi bon faire un sommet où se retrouvent les représentants des nations d'un milliard d'êtres humains, 60 pays regroupés, et on ne dit pas un mot des grandes causes communes de l'humanité? Nous représentons, nous autres Européens et les Amériques, plus de 50% de la biodiversité connue dans le monde. Et il n'y a pas un mot, une initiative pour lutter contre le commerce des pesticides qui sont la cause pour laquelle la biodiversité est en train de s'effondrer. Nous représentons 45% du commerce international alimentaire. Et il n'y a pas un mot pour essayer d'examiner comment on peut revenir aux cultures vivrières qui permettent à nos peuples de se nourrir par leurs propres efforts, plutôt que de tout vouer au commerce mondial des aliments qui se fait toujours au détriment des agricultures vivrières. Nous représentons 45% du commerce alimentaire. La moitié, presque. Et rien, pas un mot, à propos des famines dans le monde, de l'énorme gâchis qui fait que 30% de la production agricole se perd avant d'arriver dans la moindre assiette que ce soit. 20% pour mon pays, la France. À quoi bon faire un sommet de cette nature si on ne dit pas un mot de la crise du cycle de l'eau qui menace de mort la civilisation humaine? Si nous ne disons pas un mot de la mise en commun des moyens que nous pouvons avoir, scientifiques, techniques, politiques, financiers, pour aider les peuples qui entrent dans la crise de l'eau, comme c'est le cas de manière annonciatrice pour l'Europe de ce qui se passe aujourd'hui chez nos amis en Uruguay et dans combien d'autres pays, la crise de l'eau arrive sur le monde entier et sur l'Europe aussi. Rien, on n'en aura pas dit un mot. On a parlé de lithium, on a parlé de l'accord insupportable Mercosur, on a parlé du commerce, et c'est-à-dire de quoi? De l'idée que le marché va organiser l'équilibre du monde. C'est une foi superstitieuse qui ne mène nulle part. Le marché ne fera rien d'autre que de provoquer une aggravation de la catastrophe. C'est croire qu'on peut échapper à la catastrophe qui s'avance vers nous autrement que par la raison, la décision commune, la science, comme l'a dit Gustavo Petro tout à l'heure. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Et cette catastrophe s'avance. On se réunit à 1 milliard d'êtres humains, 60 pays, et on ne prend aucune initiative pour la paix sur le continent qui a été le ventre fécond de 2 guerres mondiales et qui nous amène jusqu'au bord à nouveau d'une guerre généralisée. La seule chose que l'Europe a essayé de faire, c'est d'embarquer les pays d'Amérique latine quasi de force et en leur tordant les bras dans une politique agressive qui de toute façon ne mène nulle part, et nous le savons tous. J'achève en disant que, naturellement, l'Europe a méprisé l'Amérique latine, quant à l'initiative de l'Équateur, elle avait proposé un cadre légal international pour que les grandes multinationales rendent des comptes sur leurs responsabilités sociales et sur leurs responsabilités environnementales. Longuement boycotté toutes les réunions à l'initiative des États-Unis d'Amérique. L'Europe a méprisé la proposition de la Bolivie quand elle a proposé la constitution d'un tribunal climatique international et l'inscription dans toutes les constitutions du droit à l'eau. L'Europe, une nouvelle fois, a été forte en parole et pauvre en actes. Une nouvelle fois aura donné des leçons à tout le monde, sans s'en appliquer aucune à elle-même. La vérité est que l'humanité est en danger, que ce qui met en danger l'humanité, c'est le capitalisme, parce qu'il non seulement a créé la crise climatique par son irresponsabilité, criminel quand il savait, notamment pour les compagnies pétrolières, quel désastre allait se dérouler. Le capitalisme est responsable de cette situation. Il ne peut pas se modérer. Il tire profit des catastrophes qu'il provoque, du moins pense-t-il pouvoir durer et continuer à le faire aussi longtemps qu'on lui permettra de le faire. L'humanité est en danger, il lui faut d'urgence rompre avec ce mode de production, avec les rapports sociaux, avec les rapports culturels et humains qu'il implique. Nous sommes en danger, l'heure est celle des grandes causes communes de l'humanité. L'heure est celle de l'intérêt général humain opposé à l'intérêt du capital. L'heure est donc à une lutte implacable pour la paix, pour l'égalité sociale et contre le saccage de la nature et de la planète qui, s'il ne s'interrompt pas en même temps que le mode de production qui le produit, conduit à la fin de la civilisation humaine. Nous verrons, sous les coups du changement climatique, que les investissements que consentent nos pays encore à cette heure seront tous détruits par le changement climatique, que les réseaux vont l'un après l'autre se désorganiser et que, de cette manière, les sociétés se décomposeront en revenant à la loi du plus fort. Il est temps urgemment de faire cesser la guerre qui suit l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il est temps de faire baisser la tension absurde qui est créée avec la Chine au seul profit des États-Unis d'Amérique, du moins peuvent-ils le croire, car la tension et la guerre n'est jamais au profit de personne en général. Voilà ce que je crois pouvoir dire en ayant la fierté de dire que sans doute une majorité de mes compatriotes en Europe et souvent un peu de toutes opinions dans le champ progressiste auraient envie de dire aux dirigeants européens qui étaient censés nous représenter au moment de cette grande rencontre avec les peuples de l'Amérique latine. Si c'est une occasion gâchée, une occasion manquée, alors c'est à nous, les peuples, de relever le défi qui nous a été lancé. Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue. Quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus, monsieur le président. Seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir, monsieur le président. Je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère. Quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand, monsieur le président? Si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le Président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. admirer nos montagnes, l'océan, les oiseaux. Il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le Président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le Président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le Président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le Président, peut-être m'avez voulu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armé d'une feuille à quatre, alors à une prochaine. Et notre invitée politique ce matin, c'est Raquel Garrido. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous Merci êtes députée La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour, bonjour Julien. Désolé, j'ai failli détruire le décor, je m'en excuse. C'est une arrivée en fanfare. Merci d'être avec nous, Julien. On va évidemment parler de la situation dans le pays ces derniers jours. Raquel Garrido avec vous. Et hier, le Sénat a auditionné Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur les émeutes de ces derniers jours. Il en a fait le bilan, il a défendu sa gestion de ces émeutes. Est-ce que l'exécutif a bien géré la situation ? Non. Non. Pourquoi ? Mais après, il y a situation et situation. Je fais une différence entre le meurtre de Naël, et j'utilise meurtre non pas parce que je m'attribue le droit de qualifier juridiquement les faits, mais parce que c'est la qualification juridique qui est retenue à ce stade, pour le moment, par l'autorité judiciaire, que ce soit le procureur, la justice. Donc c'est pour ça, homicide volontaire, c'est meurtre, et ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien que justement la qualification retenue soit le meurtre et que le policier en cause soit en détention provisoire. Ça n'est pas rien. C'est plutôt nouveau dans le traitement de ces affaires-là. Ça, c'est la première situation, et ça a généré une réplique dans la société. Mais juste, est-ce que c'est pas la preuve est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a de la fermeté vis-à-vis des policiers ? Ça prouve, en tout cas, que côté judiciaire, il y a eu après la circulation de la vidéo. Hein, c'est quand même, on n'est pas naïf, on le sait tous, qu'il y a avant et après la vidéo, et que c'est la vidéo qui change tout. Du coup, ça veut dire qu'on peut pas en rester au traitement judiciaire. On peut pas juste dire, c'est un cas individuel traité par la justice, et puis politiquement, il y a rien à faire. Non. Là, c'est là où le gouvernement n'a pas bien géré, si vous voulez mon avis, parce qu'il y avait des choses à dire sur ce que révèle cet homicide volontaire. Et il révèle un problème systémique dans la police, qui est de deux ordres. Le premier, et c'est Henri Leclerc qui l'avait dit sur votre plateau, très rapidement après les faits, il avait 100% raison. La question de l'article 435-1, au minimum le quatrièmement du Code de la sécurité intérieure, qui est le fameux article qui permet à un policier d'utiliser son arme dans le cas où il pense que la personne est susceptible de... Vous voyez, c'est un vocabulaire tellement flou que ça a généré une explosion du nombre du jazz de l'arme et du nombre de morts. Donc là, il y a un problème. Et puis, il y a l'autre problème aussi, qui est la question du racisme. C'est-à-dire, alors, on ne peut pas se permettre de laisser prospérer dans la police des opinions racistes qui sont elles-mêmes des délits. On va déjà revenir sur la première question, parce que hier, Gérald Darmanin en a parlé lors de son audition de ce fameux article que vous contestez. Il dit, c'est pas parce qu'un policier ne respecte pas la loi qu'il faut changer la loi. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Non, il n'a pas raison, parce que, en l'occurrence, c'est d'abord qui n'a pas respecté la loi, c'est le tribunal qui le dira à la fin, la cour d'appel, j'imagine la cour de cassation, etc. Attendons, d'accord ? Sur ce cas spécifique, la qualification juridique ultime des faits sera donnée à la fin de la procédure. Et j'ai quand même noté, dans l'énoncé des faits par le procureur que les mis en cause parlaient du fait qu'ils pensaient qu'il y avait un risque de mise en cause de l'intégrité physique des patients, etc. Donc ils ont tout à fait intégré ce vocabulaire de l'article 435-1. Si la justice et les circulaires... conclut un non-respect de la loi, est-ce que c'est pour ça qu'il faut changer la loi parce qu'un policier n'aurait pas respecté la loi ? Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas certain que la justice aboutira au non-respect de la loi. Ils vont plaider que c'était la loi. Ils vont le plaider. Et c'est inacceptable de la part du ministre de l'Intérieur de ne pas regarder en face ce problème de l'article 435-1. À dire vrai, peu importe finalement les faits vis-à-vis de la mort tragique de Naël, c'est qu'il faut aussi regarder l'ensemble des faits suite au vote de la loi de 2017. Alors je ne dirais pas que peu importe, j'ai compris ce que vous allez dire, c'est-à-dire nonobstant. Le traitement judiciaire de l'homicide volontaire de Naël, il faut absolument changer la doctrine d'emploi de la force armée dans la police. Il y a la question de la circulaire, il y a la question de la loi elle-même. On a fait un petit peu d'archéologie, on est retourné en 2017 voir les débats à l'époque. Le Sénat avait changé le texte, etc. Il y avait des députés, Pouria Amir Chahi, qui avaient dit qu'on créait une zone de zone grise qui allait être belligène, qui allait être criminogène. Et c'était tout à fait vrai. Donc maintenant, il faut changer ça. Comment vous faites face à des refus d'obtempérer qui sont en augmentation ? Eh bien, comment on fait, madame ? Mais c'est, non, mais on tire sur les gens ? Puisque vous voulez changer la loi. Qu'est-ce que vous voulez faire pour répondre à cette situation ? L'article 435-1 n'est pas un article sur le refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, c'est un délit à part qui est puni, incriminé, etc., sanctionné. L'article 435-1 est un article sur l'usage de l'arme. D'accord ? Par les forces de l'ordre en cas de danger, notamment. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut mettre à plat. C'est à quel moment c'est absolument nécessaire, utile, efficace dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, d'utiliser l'arme. C'est tout. Je veux dire, les conducteurs de ce pays, hein, ceux qui lisent automoto et tout ça, je pense qu'ils sont d'accord avec moi pour dire que les délits routiers ne doivent pas entraîner la mort des conducteurs. Est-ce que vous avez entendu le président de la commission des lois, Sacha Houlier, qui a parlé d'une mission d'évaluation de cette loi à la rentrée ? Est-ce que vous y souscrivez ? Est-ce que vous satisfaisez qu'il y ait un bougé de la part de la majorité là-dessus ? Oui, bien sûr. Et je pense qu'ils ont un peu tardé. Et puis, c'est pas seulement au niveau de Sacha Houlier qu'il faut le dire. Que le président de la commission des lois le dise, c'est très bien. Et il faut évidemment, s'ils engagent effectivement une telle mission, nous en serons. Moi, je suis membre de la commission des lois. Donc, c'est un travail législatif important, urgent, sur lequel il y a du recul. Mais vous y participez. Vous souhaitez que ce soit transpartisan. De toute façon, nous sommes membres de la commission des lois. Nous faisons notre travail. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de patienter. C'est pas la peine d'attendre. J'ai entendu beaucoup de discours qui disent on peut pas réfléchir à chaud, mais c'est pas à chaud. Il y a déjà eu 13 morts l'année dernière, donc on n'est pas à chaud, il y a du recul depuis 2017, il y a des comparaisons aussi à faire avec la gendarmerie, etc. On a un recul, donc ça fait partie des choses que le gouvernement aurait pu d'ores et déjà annoncer comme un chantier rapide. De toute façon, il y en a deux, c'est article 435-1, quatrièmement, pour être vraiment aller au plus polémique, on va dire au plus problématique, et la question du racisme. Et la question du racisme. Pardon pour finir, mais comme il y a une mission qui va être lancée, est-ce que vous maintenez votre proposition de loi d'abrogation de cet article ou est-ce que du coup vous la redécalez à plus tard en attendant les conclusions de cette mission ? Non, de toute façon, il y a plusieurs propositions de loi sur la table. Sophie Taillé-Polian, Les Insoumis, Sabrina Sebaï, qui est députée de Nanterre, travaille aussi. Donc tout ça va converger. Vous avez vu comment fonctionne l'Assemblée nationale aujourd'hui. De toute façon, l'Élysée n'y est pas majoritaire. Donc, quand il y a des majorités, c'est que, à un moment donné, on a additionné. Mais vous continuez sur cette proposition de loi quand même, malgré cette mission d'information. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis très pragmatique. Je veux qu'on change cette loi bien, vite. Et j'en fais pas une question dogmatique, j'en fais pas une question pour me singulariser. Je veux sauver des vies, qui est normalement aussi l'objectif de la police. Parler des maires, Julien ? Oui, puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'un projet de loi d'urgence pour la reconstruction des bâtiments municipaux serait examiné, alors dans l'idéal, avant la pause estivale. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez soutenir ? Alors non, là pour le coup, je n'ai rien compris à son histoire de loi d'urgence sur le matériel. Premièrement, parce qu'il s'agit de changer les règles de l'urbanisme pour contourner les appels, voilà, les marchés publics. Et ça, c'est pour réduire les délais pour pouvoir construire tout ça. Non, mais d'accord. Oui. Mais un peu sur le modèle de ce qui a été fait, par exemple, pour Notre-Dame. Oui, bon, mais ce qui compte vraiment pour les municipalités, là où il y a eu des dommages, d'abord, c'est la question quand même de l'engagement financier. Parce que parallèlement à ça, le ministre de l'économie dit on lâchera plus un seul euro pour les banlieues, etc. Bon, donc il faudrait savoir. Et puis surtout, il faut une loi d'urgence pour l'immatériel. C'est l'immatériel qui est le gros souci. Le matériel, ça se reconstruit. C'est l'immatériel qu'il faut soigner dans ce pays. Et c'est sur ce point, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les autorités n'ont rien à dire sur, justement, la fabrication de la paix dans notre pays. Il y a une forte aspiration à la paix. Nous devons obtenir la paix. La paix, c'est le consentement. La paix, c'est la démocratie. C'est le fait que nous soyons d'accord avec les règles parce que on voit bien que la loi est la volonté générale. Et c'est ça qui est en panne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez un gouvernement qui est oligarchique dans le sens où il concentre le pouvoir, on l'a vu avec le président et ses 49-3 successifs, on l'a vu, le conflit des retraites a eu une dimension démocratique très pédagogique. Tous les Français ont compris que nous avions désormais 49-3 raisons de passer à la 6e République. Et puis, en 49-3, vous aviez le pouvoir de déposer des motions de censure, ce que vous avez fait, qui ont échoué. Oui, mais c'est pas la même. Vous êtes d'accord avec moi que voter une motion de censure, c'est pas la même chose que de voter la loi. Vous étiez là le 16 mars à nous observer les 577 députés lorsque nous étions tout prêts à voter et que juste parce qu'ils n'étaient pas certains du résultat, l'Élysée a enlevé ce vote. C'est que c'est pour le pays, pour le monde entier, ça a été un choc, un électrochoc démocratique. Et face à ce risque-là, parce que l'absence de modalités pacifiques pour faire la loi est belligène, génère de la tension dans la société. Et vient se rajouter une autre tension, une autre source de guerre, qui est cette petite culture, cette musique de la guerre civile qu'entretient l'extrême droite et la droite sénatoriale. La droite sénatoriale, je dois dire... Mais c'est dans le même panier, l'extrême droite et la droite sénatoriale. Depuis deux jours, là, ce que disent M. Retailleau et la sénatrice du Val-d'Oise, dont j'oublie... Madame Estage-Brignon. Voilà. C'est une culture de la guerre civile. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on va distinguer entre Français... de leur point de vue à eux, et ils oublient la base de ce qu'est l'histoire de notre pays et la citoyenneté. La France est une nation civique, pas une nation ethnique. Et c'est l'immigré qui vous le dit. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à l'âge de 25 ans. Voilà, j'ai repris mes études à 35 ans quand mes enfants, les petites, elles avaient grandi, elles sont sorties des couches. Je suis tout retournée à l'université, je suis devenue avocate. À 48 ans, je deviens députée. Je n'accepte pas que des sénateurs disent qui est les bons Français, qui n'est pas bon Français. Nous sommes égaux. Et dire le contraire, c'est semer la graine de la guerre civile, ce qui est profondément dangereux, profondément inacceptable. C'est pour vous une des représentations du racisme systémique de la société française dont vous parliez ? C'est une expression raciste, ça c'est évident. Quand M. Retailleau parle d'origine ethnique, il y a une obsession pour les origines, une obsession pour l'ethnique. Il parle de sorte de régression vers les origines ethniques de la part de la deuxième et troisième génération. C'est délirant. C'est fou comme expression. C'est fou comme expression. Parce que ça met une question de hiérarchie, etc. En fait, bon, Bruno Retailleau fait partie d'une tradition politique française qui est pas récente, qui date de 230 ans. Eux n'ont jamais accepté qu'à la Révolution française, on fasse de la France une nation civique, c'est-à-dire où précisément l'ethnie, la religion, etc., étaient indifférentes. C'est ça, c'est en cela que la République est grande et qu'elle est magnifique et que c'est pour ça qu'on y adhère et je le vois avec mon propre parcours d'immigré. C'est si facile d'être français en réalité parce que on a une conception de la patrie qui est une patrie républicaine avec ses droits universels. Mais il y a toujours eu, depuis le début, et notamment en Vendée, des gens qui n'étaient pas d'accord avec la France républicaine. Et bien ceux-là, il faut les mettre en minorité. Et il faut que nous, la majorité des Français qui sommes pour la République, pour la paix, et pour justement qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de racisme, c'est nous qui devons vaincre. Mais ce combat est devant nous. Il y a les tenants de la nation ethnique, les tenants de la nation civique. Pour le moment, dans l'histoire de France, nous avons gagné. Mais ce combat est encore devant de nous parce que les forces qui sont obsédées par l'ethnie des autres sont quand même actuellement en train de se réarmer et c'est un problème. J'ai entendu Raquel Gallardo dans vos mots celui de paix, d'apaisement. Vous martelez là-dessus et en même temps, LFI a été mise en cause pour ses propos. Jean-Luc Mélenchon qui n'appelait pas au calme. Je rappelle aussi Alma Dufour qui tweetait qu'il ne se passe jamais rien sans rapport de force et que oui, la fin justifie les moyens. Est-ce que c'est propre à alimenter la paix que vous souhaitez? Alors, je pense que le calme, ce n'est pas une notion politique. Calme, ça veut rien dire. Calme, une pierre est inerte, elle est calme. Quand je suis dans mon jardin, je prends le soleil, je suis calme. Le calme, ça ne veut, ça, c'est pas parlant en politique. Pour moi, ce qui est parlant, c'est la paix, qui est une construction. Alors, non, est-ce là, qu'on vous veut revenir sur les mots, Raquel Garrido? Non, je certains joue pas chez sur vous les n'ont mots. Pas appelé à la paix non plus. Je ne joue pas sur les mots parce que calme et pas calme, c'est justement le vocabulaire de l'oligarchie et de l'extrême droite. Et donc, effectivement. Il ne fallait pas entrer dans cette latéralité-là. Effectivement, ne pas appeler au calme. En fait, il fallait, non mais rien selon se moi, passe sans le rapport récuser ce la, le calme. Il l'a fait. C'est-à-dire, je pense que Alma Dufour fait référence au combat progressiste, par exemple. Elle-même est une activiste en matière environnementale. Que ça peut être entendu comme une justification de la violence. Je le sais que de sa part, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, nous n'avons pas le droit. Je pense, à ce niveau de la compétition, et compte tenu du risque que toutes nos petites erreurs ou nos défauts de calibrage dans l'expression soient utilisés par l'extrême droite et l'oligarchie, je pense qu'il faut faire attention. Je préfère que nous incarnions la paix qui est une construction, comme je l'ai dit, et qui passe aussi, et là c'est le combat que je mène à l'Assemblée nationale avec le groupe de travail que je pilote, le groupe de travail NUPES pour la 6e République. Il va falloir qu'on se regarde tous les Français et qu'on se dise, malgré nos désaccords, est-ce qu'on est capable encore de faire une patrie commune? Est-ce qu'on est capable de se doter d'institutions d'une 6e République qui nous permettra d'être en désaccord? Mais est-ce que certains chez vous, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, n'ont pas fait une erreur dans la période actuelle? Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je milite avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait les 3 campagnes présidentielles. Personne ne m'ôtera tout ce que j'ai fait, la loyauté, etc. Mais je vous le dis, je ne veux pas être porte-parole à vie des expressions de Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous avez une difficulté avec ce qu'il a dit, demandez à M. Mélenchon. Parce qu'elles sont une erreur et qu'elles mettent la France insoumise en difficulté. Là, vous avez Raquel Garrido. Et moi, je vous dis comment je pense qu'il faut s'exprimer parce que je le fais. Je ne veux pas commenter les choses des autres. Mais parce que vous êtes aussi en difficulté avec ces expressions. C'est encore lui qui incarne beaucoup votre mouvement. Je ne suis pas en difficulté car je me sens pleinement responsable, moi, de ma part de pouvoir. J'ai une certaine éthique du pouvoir. Je suis députée désormais. Je compte pleinement utiliser ce pouvoir pour faire avancer mon pays, notamment en facilitant le fait qu'on passe à la 6e République, qui est une tâche importante, en profondeur, que nous menons avec sérieux. C'est ça que je souhaite incarner. Raquel Garrido, on entend ce que vous dites, vous avez votre voix propre, mais vous êtes aussi une représentante de la France insoumise. Bien sûr. Qui est aussi représentée par une voix encore plus forte, celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'à un moment donné, cette divergence de vue sur l'expression, sur même la stratégie, sur la façon même de concevoir la communication politique, ne va pas créer un schisme au sein de LFI? Non, pas de schisme, mais simplement admettez que du coup, peut-être on peut tous concevoir que personne n'est infaillible. Voilà. Ce que ça montre surtout, c'est qu'il faut tous sortir du côté sauveur, là. Moi, ce qui me frappe quand j'observe la vie politique française, c'est qu'il y a toujours cette idée qu'il ne faut pas sauveur. C'est-à-dire, on est dans une monarchie présidentielle. Notre institution, la 5e République, est une monarchie présidentielle. Et la vie politique s'articule autour de gens qui veulent être monarques à la place du monarque. Et bien moi, je dis, c'est avec ça qu'il faut rompre. Ce que j'aime à la NUPES, ce que j'adore à la NUPES, c'est que la NUPES est chorale. C'est collégial. C'est ça qui compte. Et c'est, pour moi, c'est ça la force. Oui, donc, en ce moment, vous ne trouverez jamais personne qui ne fait pas d'erreur qui ne fait pas d'erreur. Ça n'existe pas. Donc arrêtons avec ce rêve-là et construisons quelque chose de plus adulte. Mais cela dit, la NUPES, justement, sur ce thème des émeutes, semble plus, en effet, dissonante que convergente. J'en veux pour preuve Olivier Faure qui avait évoqué, j'allais dire presque comme vous, un profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon et ajouté qu'on ne peut pas donner le sentiment d'encourager et d'accepter la violence. La seule réponse qu'il a eue, c'est pas celle de dire, oui, peut-être qu'il y a eu une expression maladroite, c'est de Manuel Bompard qui lui a rappelé, qui a pointé du doigt le fait qu'il avait voté la loi Cazeneuve. Est-ce que c'est comme ça vraiment qu'on scelle l'union et qu'on alimente la cohésion? Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le conflit qui est réel et qui est sans doute beaucoup plus homérique que nous avons avec l'extrême droite et avec l'oligarchie. Genre, aujourd'hui, on est ennemis, quoi. Ben oui, quand même, un petit peu là. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas se permettre ça. Et ça, c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces histoires autour des européennes, des sénatoriales et tout ça. Ouais, on va en dire un mot, mais juste quand vous avez entendu Elisabeth Borne. C'est une friture sur la ligne qui n'a pas lieu d'être. Quand vous avez entendu Elisabeth Borne cette semaine, une fois de plus, hein, dire que la France insoumise ne se situe plus dans le champ républicain, est-ce que du coup, vous n'êtes pas abîmé par certaines voix chez vous qui font tirer ces conclusions exécutives ? Alors, mais cette expression est gravissime, est gravissime. Elle est gravissime d'abord parce qu'elle nie. L'action politique qui doit naître du meurtre de Naël. C'est-à-dire. Comme le gouvernement ne se focalise que sur la question des dégradations qui ont eu lieu, des émeutes, etc., il ne parle que de ça. Mais c'est pas vrai. Bah si, face au maire, les chantiers évoqués par le président de la République, il s'attache aussi au reste du problème. Non, puisqu'il n'aborde pas la question de la réforme à la police. Je suis désolée. La réforme de la police, elle a déjà été évoquée par Gérald Darmanin lors de l'exposé. On a réuni les 200 maires, moi j'en ai parlé au maire de ma circonscription, et c'est consternant à quel point les réponses du gouvernement sont vraiment, comme je disais, la loi du genre sur le matériel et rien sur l'immatériel. Rien sur l'humain, rien. Et c'est ça le problème. Donc, et vous avez les questions au gouvernement hier, et on a vraiment l'impression que le responsable de tout, c'est la France insoumise. Tout, c'est-à-dire le meurtre de Naël, les dégradations, etc., tout est la faute de la France insoumise. Là, je trouve que c'est grave, parce que ça veut dire qu'on nie, le rôle qu'a un gouvernement quand il doit gouverner. Le gouvernement, il doit prendre des décisions sur la question de la police, et je le répète, c'est la troisième fois que j'essaie de vous en parler, le racisme dans la police. Ouais. C'est un problème, ils doivent le traiter. Mais et c'est un problème systémique pour vous, c'est ce que vous dites. Évidemment que c'est un problème systémique. Il n'y a pas des policiers qui pourraient faire des actes de racisme, pour vous, il y a un racisme systémique dans la police. Mais madame, à la fin, un policier plus un policier plus un policier, ça fait quand même beaucoup de policiers. Oui. Donc, toute façon, une hiérarchie, il y a une chaîne de commandement, et ça n'est pas possible d'accepter cette forme de délinquance, parce que, encore une fois, le racisme est une délinquance, on ne peut pas accepter la délinquance au sein de la police. Et est-ce qu'il y a un problème d'autorité parentale ? Je vous pose la question, parce que vous voyez venir, le président de la République a noté qu'il fallait... réfléchir à une meilleure responsabilisation des parents, peut-être via aussi des amendes plus systématiques, dès le premier fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cette attaque contre les familles est la marque de la culture de l'impunité qui est la marque de la Ve République. La Ve République, qu'est-ce qui la caractérise ? C'est que la personne qui a le plus de pouvoir gouvernant, qui concentre le plus de pouvoir gouvernant, le président de la République, est irresponsable au sens constitutionnel du terme. Il ne rend compte à personne. Ça n'existe dans aucune autre démocratie, cette façon de faire de la politique. Donc, ça crée une culture de l'impunité politique. Une culture de je fais ce que je veux, parce que j'ai été élu, vous m'avez mis là, je suis président, donc les retraites à 64 ans et ainsi de suite, je fais ce que je veux. Et deuxièmement, impunité, c'est pas de ma faute. Regardez, c'est la faute aux parents, c'est la faute aux insoumis. C'est la faute à tout le monde, sauf au président de la République. Donc moi, je dis à ce président de la République, c'est de deux choses l'une. Soit les choses sont de son fait et il assume, soit elles ne sont pas de son fait et il démissionne. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire son travail dans ce cas-là. Et en bout de course, il faudra se poser la question, parce que c'est ça aussi, l'heure est venue. Il faut qu'on se pose la question de savoir si dans ce pays, oui ou non, on a encore besoin d'un président de la République. Est-ce que cette fonction-là, ne nuit pas à la capacité des Français de s'autodéterminer ? Un dernier mot, Raquel Garrido, pour parler des sénatoriales, hein, puisqu'elles ont lieu fin septembre. Un accord national a été trouvé à gauche entre le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes. Donc, sans vous, comment réagissez-vous ? Bon, d'abord, je sais que je suis à Public Sénat et qu'il faut dire du bien du Sénat. Pas forcément, vous dites ce que vous voulez. Moi, je l'ai déjà écrit, je l'ai écrit dans un livre sur la 6e République en 2015, je suis pour la suppression du Sénat. D'accord. Absolument pas pour que toute la gauche saute à la corde sur une élection qui concerne 160 000 électeurs et sur lesquels, là, il y aurait dans 14 départements, sur 50, un accord entre trois partis parce que par ailleurs, personne n'a réussi à se mettre d'accord sur les autres départements. La vérité sur les sénatoriales, c'est que c'est une élection... Il y a 28 départements qui sont renouvelables à la proportionnelle. C'est de la cuisine entre sénateurs localement. Ça donne lieu à des choses qui sont innommables. Parfois, vous verrez, par exemple, personne ne l'a souligné ça. À droite, parfois, ils sont d'accord entre eux, mais ils présentent plusieurs listes. Pourquoi ? Pour contourner les règles sur la parité. Parce qu'ils préfèrent élire trois têtes de liste hommes

Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochet en puissance travaillent aussi du dépit. Travaille aussi du képi. Bonne nouvelle, le chômage baisse. Il atteint son taux le plus faible depuis 40 ans. Merci Macron. Durant les années qui viennent de s'écouler, on n'avait jamais, à un tel rythme, baissé notre chômage. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Enfin ça, c'est le narratif du gouvernement qui tourne sur toutes les chaînes depuis quelques mois. Et c'est donc ce que la plupart d'entre nous sommes invités à croire. Bon, même si la réalité du terrain ne correspond pas du tout à ces déclarations qui dégoulinent d'optimisme. Mais la pensée magique a ses limites. Et ce n'est pas parce qu'on répète que l'économie va bien que c'est le cas. Encore plus quand les politiques économiques adoptées depuis plusieurs décennies ne visent qu'à saccager le pays et nos acquis. Cette vidéo va être dense, mais elle va vous démontrer point par point pourquoi cette propagande est mensongère et comment le gouvernement s'y prend pour magouiller les chiffres, pour se faire bien voir, tout en continuant à faire passer des réformes stupides et impopulaires. C'est parti. Depuis 30 ans, le nombre de chômeurs en France a augmenté significativement, particulièrement depuis la crise de 2008. Le total des inscrits à Pôle emploi est passé de 4 millions à près de 7 millions d'inscrits en 10 ans. Il se situe en 2023 autour de 6 millions. L'évolution récente du chômage est en fait assez étonnante. Alors qu'il semblait se dégrader début 2022, il s'est étrangement amélioré au second semestre. Cela a donné lieu à de nombreuses fanfaronnades du gouvernement qui s'est félicité du pseudo-succès de sa politique économique. Et effectivement, selon Pôle emploi, en mars 2023, le nombre de chômeurs en catégorie A est en légère baisse. Si on prend l'ensemble des catégories, le nombre de chômeurs au sens large a baissé de 0,4%, soit 27 000 chômeurs de moins. Alors, dit comme ça, ces chiffres ont de quoi rassurer, nous laisser croire un retour des jours heureux. Mais en réalité, vous allez voir qu'il cache quelques magouilles statistiques assez évidentes et une réalité bien peu mise en lumière par les partisans de la politique économique macronienne. Alors, quels sont les trois ingrédients de la recette des chiffres du chômage cuisiné sauce Macron ? Premièrement, jouer avec la définition d'un chômeur. Deuxièmement, basculer des chômeurs dans une catégorie moins scrutée par les médias. Et troisièmement, radier arbitrairement des chômeurs pour les camoufler. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Explication. Première combine, et pas des moindres. Le Bureau international du travail, le fameux BIT, et Pôle emploi n'ont pas la même définition de ce qu'est un chômeur. D'un côté, Pôle emploi définit ceux de la catégorie A comme les personnes sans emploi récent qui en recherchent un. D'un autre côté, le BIT a une définition plus restrictive. Pour lui, les chômeurs sont les personnes sans emploi disponibles pour en accepter un rapidement. Alors, ça n'a pas l'air très différent comme ça, mais pourtant, depuis 2010, on observe que les deux définitions donnent des résultats de plus en plus éloignés, car un nombre croissant d'inscrits à Pôle emploi en catégorie A ne sont plus comptabilisés par le BIT. Selon une étude de l'INSEE de 2017, près de la moitié des inscrits en catégorie A n'étaient pas considérés comme chômeurs au sens du BIT. C'est absolument colossal. Ce phénomène est en particulier lié aux politiques visant à repousser l'âge de la retraite, qui ont évidemment multiplié les seniors sans activité, qui sont comptabilisés par Pôle emploi, mais généralement pas par le BIT. On constate que, depuis quelques années, le chiffre du BIT a beaucoup plus baissé que celui de Pôle emploi. Et bien évidemment, pour présenter le taux de chômage en France, le gouvernement préfère utiliser le chiffre plus restrictif du BIT, qui laisse croire que la situation est meilleure qu'en réalité. Le chômage est passé de 9,5 à 7,1%. Il est donc à son niveau le plus bas depuis 2009. Pourtant, le BIT ne ment pas. La différence vient du fait qu'il classe certains chômeurs de catégorie A dans ce qu'il appelle le « halo du chômage », c'est-à-dire des quasi-chômeurs. Ce sont surtout des seniors qui sont proches de la retraite, dont le nombre a explosé avec les réformes. En conséquence, les chiffres de ce fameux « halo » ont augmenté ces dernières années. Et ça, évidemment, les grands médias se gardent bien d'en parler. Après le tricot, le début maintenant d'une série sur quelques entreprises qui fabriquent encore en France, en commençant par la dernière fabrique française de bigoudis. Au global, si on additionne les chiffres du BIT, des chômeurs, des quasi-chômeurs et des découragés qui ont abandonné l'idée de retrouver un emploi, on obtient un chiffre qui est relativement stable depuis 2014, un peu en dessous de 4 millions de personnes. Donc, même pour le BIT, la réalité est bien loin de l'objectif de plein emploi que ne cesse d'agiter le gouvernement. Je constate avec bonheur qu'il n'y a pas de manifestation relative au chômage. Plus personne ne parle de chômage. Il serait donc urgent et nécessaire de se baser sur les chiffres de Pôle emploi. Avec la seule catégorie A, le taux de chômage n'est alors plus de 7%, mais plutôt de 10%. Et si on prend tous les inscrits à Pôle emploi, on dépasse les 20%. D'ailleurs, si on rajoute les découragés et qu'on s'intéresse au seul secteur privé, puisque les fonctionnaires sont assez peu touchés par le chômage, c'est probablement autour de 25% des salariés du privé qui vivent ces situations de chômage ou de quasi-chômage. 1 sur 4. Et c'est bien entendu, sans parler de tous les emplois précaires. Ça montre bien que la situation de l'emploi s'est peut-être légèrement améliorée, mais qu'elle reste fortement dégradée. Au final, le niveau de chômage, qu'il soit mesuré par Pôle emploi ou le BIT, est donc assez proche du niveau enregistré à la veille de la crise de 2008. En 2022, il y a eu une baisse du nombre de chômeurs en catégorie A, qui pourtant ne correspond en rien à une baisse du chômage au sens du BIT. Ce phénomène est tout simplement lié au fait que Pôle emploi a opéré un retraitement statistique qui a basculé des dizaines de milliers de chômeurs de catégorie A, très scrutés, vers d'autres catégories, le total des inscrits n'ayant évidemment pas été modifié. Pôle emploi évoque ainsi lui-même, je cite, « une diminution cumulée de 75 000 demandeurs d'emploi en catégorie A en augmentant d'autant le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie B et C ». Alors, si on regarde, ça représente environ la moitié de la baisse du chômage de catégorie A en 2022. Ça veut donc dire que beaucoup de chômeurs qui ne sont plus dans les chiffres officiels du chômage sont en fait toujours chômeurs, mais dans une autre catégorie. On remarque ainsi des discordances étonnantes entre les catégories. Depuis 2021, le nombre d'inscrits en catégorie A a beaucoup baissé, mais pas celui en catégorie B et C, qui sont pourtant assez proches. En fait, il s'agit simplement de chômeurs qui ont juste plus ou moins travaillé au cours du mois précédent. Ces étranges différences d'évolution entre les catégories de chômeurs s'observent surtout depuis mi-2022. En comparant avec les périodes précédentes de forte baisse du chômage, en 2000 ou en 2007, on remarque qu'à l'époque, les catégories A, B et C baissaient bien tout ensemble. C'était bien le signe d'une amélioration réelle de l'emploi. Mais en 2022, elles avaient des tendances opposées. Ce phénomène pourrait aussi montrer que la politique du gouvernement entraîne une plus grande précarisation de l'emploi. Troisième combine qui explique la baisse des chiffres du chômage, il s'agit de la hausse des radiations administratives de Pôle emploi qui viennent d'atteindre un record historique à 52 000 radiations par mois. Ça fait quand même 600 000 par an. C'est d'ailleurs un levier très connu pour tripatouiller les chiffres. Par exemple, entre 1996 et 2007, les radiations ont été multipliées par 6. Cette forte augmentation des radiations administratives, mais aussi celles pour défaut d'actualisation, qui sont également un maximum historique de 250 000 par mois, confirme à nouveau qu'il y a eu des actions menées pour embellir fictivement les chiffres du chômage. Alors, toutes ces manipulations statistiques posent de vrais problèmes, car finalement, elles vont fausser les données qui vont être utilisées par l'INSEE, par le ministère du Travail, pour calculer le taux de chômage que la plupart des médias et des dirigeants politiques reprennent. Encore récemment, Emmanuel Macron et la majorité se sont vantés que le niveau du chômage soit au plus bas depuis 40 ans et que le plein emploi est atteignable plus proche que jamais. Aujourd'hui, on est au plus bas taux de chômage depuis 40 ans en France. Des affirmations, comme d'habitude, relayées sans aucune vigilance ni nuance dans les grands médias. Le taux de chômage est de Actuellement, le taux de chômage selon le BIT est de 7,1%, ce qui est présenté comme une grande victoire, presque le plein emploi, à en lire certains. Et c'est effectivement un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 1982. Suspendons cette chronique pendant 2 minutes. On va analyser ce que je viens de dire et que vous avez entendu tel quel dans tous les médias. C'est important parce que ça illustre comment marche la propagande en démocratie. Contrairement à ce qu'on pense, faire de la propagande, ce n'est pas mentir. C'est surtout manipuler en disant des choses vraies, mais trompeuses. On va illustrer. Déjà, on a vu que si le chiffre du BIT est bien au niveau de 1982, le chômage ne l'est pas du tout. Il y a toujours 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, c'est dans les plus hauts historiques. Mais surtout, le niveau de chômage de 1982 est loin d'être une bonne situation et un chiffre acceptable dans une économie saine. C'était déjà perçu comme un drame national, le chômage en 1982. Gardons à l'esprit qu'il faudrait encore diviser ce chômage par 7 pour arriver au plein emploi. Alors, la route est encore bien longue. Mais reprenons le fil de la chronique. Alors, ce chiffre de 7,1% n'est pas anodin. Comme en 2007, le taux de chômage était de 7,2%. Il fallait donc que le gouvernement arrive à atteindre ces 7,1% pour pouvoir utiliser sa propagande. Eh, c'est pour la première fois depuis 1982. Beaucoup d'indices montrent que le gouvernement a mis une énorme pression pour tripatouiller les chiffres et atteindre ce record. On peut constater le rôle des politiques gouvernementales sur les chiffres de Pôle emploi. Le quotidien La Marseillaise a publié des témoignages assez édifiants en ce sens. Si ça vous intéresse de creuser, je vous renvoie à notre analyse sur le site Delucide pour en savoir plus. Le lien est en description de la vidéo. Bon, maintenant, zoomons un peu sur ce qui se passe avec la baisse du chômage depuis quelques années. Alors, elle est principalement le résultat d'une très forte baisse des entrées à Pôle emploi à la fin de la crise de 2020, après une longue période de relative stabilité. Et au même moment, les sorties du chômage restaient relativement stables, avec quelques pics récents, comme vous pouvez le constater ici. Mais l'écart entre les entrées et les sorties diminue de plus en plus. Pour en comprendre l'origine, il faut analyser un indicateur important, le taux d'emploi vacant, c'est-à-dire la proportion d'emplois que les entreprises cherchent activement à pourvoir. Ça saute aux yeux que la situation est exceptionnelle. Le taux d'emploi vacant est 5 fois supérieur à sa moyenne de 2003 à 2013. Près de 2,5% des emplois ne sont pas pourvus, soit 360 000, essentiellement en raison de difficultés à trouver un remplaçant. C'est d'ailleurs une des raisons fallacieuses avancées par le gouvernement pour justifier sa réforme régressive de l'assurance chômage pour priver plus de personnes de revenus. Mais en réalité, il est beaucoup plus probable que ce phénomène soit lié non pas à la fainéantise fantasmée des chômeurs. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Mais plus sûrement à un manque de main-d'œuvre en raison de problèmes de formation, au moment même où la plupart des baby-boomers sont partis à la retraite. Après la crise du Covid et en raison de difficultés de recrutement, beaucoup d'entreprises ont donc préféré ne pas se séparer d'employés, de peur de ne pas pouvoir en retrouver à court ou moyen terme. C'est ça qui explique que les entrées à Pôle emploi sont tombées à un niveau très bas en 2021, ce qui a mathématiquement beaucoup joué dans la baisse du chômage. Mais attention, on voit clairement que ce phénomène est en train de prendre fin. Et c'est bien normal. Les entreprises ne vont pas garder d'énormes quantités d'employés en trop, par prudence, de peur de ne pas pouvoir en retrouver d'autres facilement. La question qui se pose désormais est donc, combien de ces postes actuellement excédentaires les entreprises vont-elles garder à moyen terme? Ça va beaucoup jouer sur les futurs chiffres du chômage. Il y a donc eu de nombreuses magouilles statistiques pour pousser les chiffres du chômage à la baisse. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a aussi eu une diminution réelle du chômage, mais moins importante que ce que proclame la propagande. Alors, zoomons un peu pour comprendre les raisons de cette baisse depuis quelques années. La première raison est naturelle, mais la deuxième, vous allez le voir, est une conséquence des politiques économiques antisociales qui ont été mises en place. Pour comprendre les évolutions du taux de chômage, il faut toujours prendre en compte l'évolution de la population active, autrement dit la population qui veut travailler. Et pour ça, il faut donc analyser les évolutions démographiques. Exemple avec le baby-boom. Il a eu pour conséquence une forte augmentation de la population active entre 1970 et 2015. Ce qui a d'une part soutenu la croissance, mais ça a aussi d'autre part causé de gros problèmes en termes d'emploi. Une économie comme la nôtre a en effet beaucoup de mal à créer les emplois nécessaires pour occuper 200 000 ou 300 000 travailleurs supplémentaires en une seule année. On n'a pas une telle flexibilité. Aujourd'hui, la population active augmente beaucoup moins vite, si bien que l'INSEE anticipe une augmentation quasi nulle de cette population entre 2022 et 2025. Elle entamera même un déclin à partir de 2040. C'est autant de pression en moins sur le marché du travail, et c'est ce qui pousse mécaniquement le chômage à la baisse. Et ça explique aussi la forte augmentation des difficultés de recrutement et des emplois non pourvus. Il y a une mauvaise adéquation entre les types d'emplois nécessaires aux entreprises d'une part et l'offre du système éducatif d'autre part. Et attention, il ne faut pas raisonner en moyenne, il ne faut pas faire comme le gouvernement. S'il y a 1000 postes de plombier à pourvoir et 2000 journalistes au chômage, la situation n'est pas prête de s'améliorer. C'est un vrai problème pour l'économie. Désormais, il n'y a plus la moindre marge de manœuvre, autrefois permise par la masse d'entrants sur le marché du travail. À partir de maintenant, dès que la formation ne va plus coller à la demande, il y aura des problèmes sur le marché du travail. Et comme il n'y a aucune planification nationale de la formation, ça va forcément arriver dans de très nombreux secteurs. La deuxième explication mécanique de la légère baisse du chômage concerne les contrats en alternance, qui augmentent de manière considérable la quantité d'emplois. Ils ont en effet plus que doublé depuis 2018. Alors, une partie de ces contrats a simplement remplacé des contrats de qualification, mais au final, le nombre de contrats d'insertion des jeunes dans l'emploi a augmenté de plus de 400 000 en 5 ans. On estime que ces contrats sont responsables du tiers de la baisse du chômage depuis 2018. Elle a donc été largement financée sur fonds publics, donc par de la dette. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est une subvention publique qui va jusqu'à 8 000 euros par apprenti. Le coût pour l'État est passé de 3 à 6 milliards, soit 3 milliards d'aides en plus pour les entreprises pour ce seul poste. Plus largement, si on prend en compte l'ensemble des emplois aidés par l'État, La hausse depuis 2018 est de 800 000 emplois. C'est presque la moitié de tous les emplois qui ont été créés depuis lors. Cette perfusion des entreprises par des fonds publics n'est évidemment ni saine ni durable. Et à moyen et long terme, ces jeunes seront rattrapés et pénalisés par un système économique insoutenable. Mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il faut dire un mot aussi du chômage de longue durée, c'est-à-dire du chômage qui dépasse une durée d'un an. Ce chômage n'a pas cessé d'augmenter entre 2009 et 2021. Et si une baisse a enfin eu lieu depuis 2 ans, elle reste insatisfaisante. Près de 2,5 millions de personnes sont au chômage depuis plus d'un an. C'est colossal. Si on regarde la durée moyenne passée au chômage, elle a augmenté de 13 mois à 23 mois en l'espace d'une décennie. Presque 2 ans au chômage. Et elle vient de baisser d'à peine 1 mois. C'est extrêmement peu. Donc Macron ferait bien de calmer un peu ses ardeurs en nous vendant son narratif du meilleur taux de chômage depuis 40 ans. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Cette notion de durée moyenne actuelle au chômage de 22 mois est aussi très importante, car elle influe fortement sur l'indemnisation, qui a beaucoup diminué à cause des politiques régressives menées depuis plusieurs années par le gouvernement Macron. Je vous invite à lire notre article en description si vous voulez en savoir plus. Si on résume ce qui a été dit jusque-là, la baisse du chômage annoncée en grande pompe par le gouvernement est due d'une part à des magouilles statistiques et d'autre part à des raisons structurelles liées à la démographie et à la perfusion d'argent public injecté dans les entreprises pour leur payer des contrats d'alternance. La fragilité des causes soutenant cette baisse peut raisonnablement nous laisser penser que la dynamique ne va pas durer, voire qu'elle va s'inverser. Et de fait, au niveau des tendances récentes, les chiffres du chômage semblent commencer à se retourner. L'INSEE montre que le halo du chômage recommence à augmenter et que désormais, le sous-emploi stagne. Ça laisse à penser que nous sommes autour d'un point bas et que le chômage devrait, hélas, recommencer à augmenter en 2023-2024. Une question fondamentale reste, et vous vous la posez peut-être à ce stade de la vidéo. Mais comment cette hausse de l'emploi est-elle possible alors que le climat économique est morose et la croissance moribonde ? Derrière la baisse actuelle du chômage se cache un grave problème, pourtant très peu commenté. Cette diminution a eu pour conséquence une chute de la productivité horaire, c'est-à-dire de la valeur ajoutée créée pour chaque heure travaillée. Historiquement, la productivité horaire a toujours été en augmentation, et ce pour de nombreuses raisons. Mécanisation, développement de l'utilisation de combustibles fossiles, amélioration des processus, meilleure formation, montée en gamme de l'économie, etc. etc. La productivité est d'habitude très peu impactée par l'évolution du marché du travail. On le constate d'ailleurs très bien en observant son évolution entre 1990 et 2008, période marquée par 2 explosions du chômage et 2 fortes baisses. Ça montre simplement que les emplois créés ou détruits sont comme les autres emplois et que tous génèrent la même productivité en moyenne. Si la productivité horaire a stagné en 2017-2018, elle ne cesse de baisser depuis 2019, donc avant même la crise du Covid. On se retrouve donc dans une situation avec une baisse du chômage et une faible croissance du PIB. Ça signifie qu'on travaille plus, mais que chaque nouvelle heure travaillée produit moins que les autres heures. Autrement dit, on travaille plus pour ne produire finalement pas beaucoup plus. On n'est même plus très loin d'un « travailler plus pour produire moins ». Cette diminution de la productivité concerne la plupart des secteurs. Elle a commencé en 2017-2018 et la baisse se poursuit depuis à un rythme assez régulier. Il faut bien se rendre compte de son caractère historique. C'est la première fois que la productivité diminue alors que le chômage recule. Il y a en réalité peu de phénomènes pouvant impacter à ce point en quelques années la productivité. Étant donné que l'économie n'a pas été bouleversée en quelques trimestres, il n'y a pas eu une baisse de productivité de tous les emplois en même temps, ça ne peut venir que d'une modification de la productivité individuelle de certains emplois. Explorons donc quelques hypothèses pour expliquer ça. Première hypothèse, la démographie, ou plus précisément l'effet de vieillissement de la population active. Bon, alors ça, on peut l'écarter assez simplement, le vieillissement est en très net ralentissement, et puis de toute façon, il est trop limité et lent pour avoir eu un impact sur la productivité du pays en quelques trimestres. Deuxième hypothèse, le développement du télétravail. Mais là encore, ça ne fonctionne pas, car la plupart des études à ce sujet montrent au contraire qu'il entraîne généralement des gains de productivité. Sans compter que le recours au télétravail reste encore limité, alors que pratiquement tous les secteurs sont touchés par la baisse de productivité, y compris l'industrie. On peut donc aussi écarter cette piste. Troisième hypothèse, la qualité des emplois qui ont été créés récemment. Ils seraient donc intrinsèquement moins productifs que les autres. On voit que c'est vers cette piste qu'il faut s'orienter. Et il y a 5 raisons qui expliquent ça. Ça, on l'a dit au début de cette vidéo, une partie de la baisse du chômage est liée au fait que des entreprises avaient conservé après 2020 des postes qui auraient dû être supprimés ou remplacés, par crainte de ne pas pouvoir trouver de main-d'œuvre rapidement. La crise du Covid et les réformes néolibérales ont donc conduit à l'embauche ou au maintien en poste de travailleurs probablement moins qualifiés que la moyenne par manque de formation et donc moins productifs. L'ensemble des réformes néolibérales du marché du travail, de la loi El Khomri. Nous pensons en effet que les entreprises doivent pouvoir mieux s'adapter pour renforcer la compétitivité de notre économie. Aux réformes de l'assurance chômage par Emmanuel Macron, peuvent aussi expliquer la baisse de productivité des emplois. Ces lois ont effectivement fortement dégradé les conditions de travail et d'indemnisation du chômage, ce qui a engendré la création d'emplois bien moins rémunérateurs, attribués à des personnes ne disposant pas nécessairement des compétences requises et moins productives malgré elles. C'était d'ailleurs bien le but proclamé de ces réformes régressives, tordre le bras des chômeurs pour les forcer à prendre des emplois dont personne ne veut. Ça s'observe sur l'évolution des salaires de base. Corrigés de l'inflation, ils ont diminué entre 2 et 3% en 2022, et ce, dans tous les secteurs. Ce qui est cohérent avec la baisse de la productivité. Les emplois Macron, ce sont des emplois moins productifs et moins bien payés. Mais en réalité, la majeure partie de la baisse de productivité n'est pas causée par des salariés en soi moins productifs, mais par la création d'emplois moins productifs, et notamment les fameux emplois aidés dont nous avons parlé précédemment. Et oui, car un apprenti est en moyenne bien moins productif qu'un adulte formé. Une étude de la DARES a justement montré que la forte hausse du nombre d'apprentis explique environ 20% de la baisse de productivité récente. Et si on rajoute les autres emplois aidés, on peut déjà expliquer environ 30% de la baisse totale de productivité. Sur les 1 600 000 emplois créés en 4 ans, 400 000 sont des emplois de travailleurs non salariés. C'est une hausse très importante. Pour se donner une idée, l'emploi salarié a augmenté en 4 ans de 5%, quand l'emploi non salarié bondissait de 13%. C'est en fait une tendance profonde du néolibéralisme de vouloir limiter au maximum le salariat, qui fait peser le risque de fluctuation de l'activité sur l'entreprise pour le reporter plutôt sur les employés ou sur l'État. Mais alors pourquoi est-ce que ces emplois non salariés engendrent une baisse de productivité? Cette forte création d'emplois non salariés correspond à des auto-entreprises, dont le nombre a augmenté de 1,2 million depuis 2019, alors que seulement 500 000 d'entre elles ont généré un chiffre d'affaires, les autres n'ont pas été actives. En détruisant le salariat, le néolibéralisme entretient l'insécurité de l'emploi et la précarité, et la réalité des choses est que beaucoup d'auto-entrepreneurs touchent des rémunérations de misère. En effet, le revenu moyen d'un auto-entrepreneur actif était de moins de 600 euros par mois en 2017. Il est donc évident que le développement de centaines de milliers d'emplois de ce genre ne peut qu'avoir un effet négatif sur la productivité moyenne. Au final, les 800 000 emplois aidés, ajoutés aux 400 000 emplois non salariés créés en 4 ans, représentent 70% de la création totale d'emplois de la période. Une analyse approfondie montre que 70% des emplois nouvellement créés l'ont été dans les services marchands, dont 25% dans les services administratifs et de contrôle des entreprises, autrement dit dans de la bureaucratie privée. Le secteur qui a créé le plus d'emplois sur cette période de 4 ans a été le commerce, suivi des services administratifs et de conseil, et la construction. Au final, il apparaît que beaucoup des emplois créés l'ont été dans des secteurs à faible ou moyenne valeur ajoutée, et probablement dans les activités les moins productives de ces secteurs. Ces emplois au rabais ont donc également contribué à pousser la productivité nationale à la baisse. D'ailleurs, arrêtons-nous un moment sur l'exemple de la restauration. Plusieurs mois que la profession tire la sonnette d'alarme. Les hôteliers restaurateurs ne parviennent plus à recruter. On comprend mieux ces reportages sur les restaurateurs qui ne trouvent pas de salariés. Contrairement à la petite musique des chaînes d'infos, laissant à penser que c'est à cause de ces chômeurs fainéants, c'est simplement dû au fait que ce secteur est en très forte croissance. Il vient de créer plus de 200 000 emplois en 4 ans. Et il n'y a tout simplement plus assez de personnes disponibles pour alimenter ce secteur. Les infirmières, en burn-out ayant quitté l'hôpital, ne vont pas se reconvertir pour faire la plonge à 40 km de chez elles. Bon, on récapitule. La marche vers le plein emploi, que tente de vendre le gouvernement aux Français avec la complicité de l'appareil médiatique, est une vaste chimère. Jamais le chômage n'a été aussi bas en France. C'est non. Mais on n'est pas complètement dupes. On voit bien qu'il reste 6 millions d'inscrits à Pôle emploi, que le pouvoir d'achat s'étiole. Et tout ça, ça se déroule sous nos yeux. La recette macroniste s'est avérée relativement simple. Un quart d'apprentis à 800 euros par mois. Un quart d'autres emplois aidés. Un quart d'auto-entrepreneurs à 600 euros par mois. Et un dernier quart d'emplois privés, souvent au rabais. L'amélioration de la situation de l'emploi, réelle, n'est pas naturelle. Elle est la conséquence, d'une part, des dépenses faramineuses du gouvernement, qui subventionnent encore plus les entreprises en empruntant de l'argent, et d'autre part, de ces réformes régressives socialement, tant au niveau de l'indemnisation du chômage que de la sortie de centaines de milliers de personnes de la sécurité du salariat. Pire, bien loin d'être un gros soulagement pour l'économie, cette politique crée à l'évidence plus de problèmes qu'elle n'en résout. Son coût pour les finances publiques est prohibitif. Mais qu'attendre d'un gouvernement qui donne 3 milliards d'euros à une entreprise privée pour créer 1000 emplois? Ça fait quand même 3 millions d'euros par emploi. Il vaudrait mieux nationaliser l'entreprise à ce niveau-là. Son coût social est très douloureux en raison de la dégradation des conditions de travail, alors que le nombre de chômeurs de longue durée a à peine diminué. Le pire est probablement que les emplois créés sont de moins bonne qualité, ce qui entraîne une baisse historique de la productivité du travail, dont les conséquences vont se faire sentir dans les prochains trimestres. Pourtant, quand on regarde les chiffres nationaux, le taux de profit moyen des entreprises en France n'a pas beaucoup évolué. C'est parce que le phénomène dont on vient de parler est masqué par le fait que les secteurs de l'énergie et de l'alimentaire se sont goinfrés avec l'inflation. Et en fait, leurs surprofits ont réussi à compenser, en moyenne, la plupart des sous-profits de l'ensemble des autres entreprises. Ça donne donc l'impression au final que le profit des entreprises françaises a peu varié. Cette situation, qui est totalement absente du débat public, va poser des problèmes de rentabilité à la majorité des entreprises. Elles vont ainsi tenter de compenser la perte de profitabilité en compressant les salaires, en supprimant les activités les moins rentables pour diminuer les effectifs et en augmentant leurs prix, ce qui va peser encore plus sur le pouvoir d'achat. Et comme le gouvernement ne va pas pouvoir continuer à s'endetter pour payer des dépenses courantes peu productives, il est à craindre que le chômage reprenne prochainement sa hausse. En résumé, le plein emploi macroniste, c'est un emploi pour tous et la misère pour beaucoup. Qui aurait pu prédire ? Tu te tais ! Et voilà, merci à celles et ceux qui sont arrivés au bout de cette vidéo. Alors, si vous voulez en savoir plus et creuser de votre côté, je vous renvoie vers notre analyse graphique qui explique en détail tout ce qu'on vient de dire. Comme vous le voyez, c'est un travail colossal et totalement inédit. Si vous souhaitez nous encourager à continuer et nous soutenir, pensez à vous abonner à notre site elucide.media. Merci à tous nos membres. À samedi prochain. Le rock est formidable, le rock est impeccable, le rock est remarquable, le rock est appréciable, le rock est adorable, le rock est admirable, le rock est délectable, le rock est estimable. J'aime pas le rock. Il est inimitable, il est inappréciable, il est inoubliable, il est inégalable, il est inattaquable, il est inestimable, il est indispensable, il est indiscutable. J'aime pas le rock. J'aime pas le rock. Il n'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock. Il n'aime pas le rock. Je hais le rock. J'abomine le rock. Je maudis le rock. Il n'aime pas le rock. J'aborde le rock. Je méprise le rock. Je déteste le rock. Le rock est haïssable, le rock est détestable, le rock est exécrable, le rock est lamentable, le rock est déplorable, le rock est méprisable, le rock est imbuvable, le rock est effroyable. Oh mince, il aime pas le rock. Il est inqualifiable, il est déraisonnable, il est intolérable, il est inacceptable, il est insupportable, il est insoutenable, il est inconcevable, il est abominable. Pourtant le rock c'est battre quoi. Il n'aime pas le rock. Ah non, j'aime pas le rock alors, ah non. L'homme se révèle face à l'obstacle, c'est une évidence, pour nous c'est un peu plus, c'est une réalité de tous les jours. Au début du XXe siècle, alors que la tuberculose et la poliomyélite font des ravages, les personnes handicapées sont livrées à elles-mêmes. Considérées comme des damnées, elles restent cachées dans les familles ou reléguées dans des hospices. Il n'y avait pas véritablement de prise en charge. Contre cette injustice, naît APF France Handicap, initialement sous le nom d'APF. Elle est fondée en 1933 par quatre jeunes atteints de poliomyélite, dont André Tranois, qui deviendra son président. Ils n'ont pas d'argent, aucun relais dans l'opinion, mais une devise chevillée au corps, risquer l'impossible. Il commence à y avoir une forme de renversement, en fait, de la question de l'infirmité, qui n'est pas que négative, qui n'est pas que fatalité. Dès ses premières années, l'association veut rompre l'isolement. Si les colonies de vacances offrent leur premier séjour en collectivité, les cordées, des cahiers qui circulent de main en main, permettent de partager des expériences. Des assistantes sociales sillonnent le territoire et des centres de formation font leur apparition. Quatre au départ, l'APF forme désormais tout un réseau. La période de prospérité des Trente Glorieuses accélère la réintégration des personnes handicapées dans le milieu du travail et l'association ouvre ses premiers ateliers protégés. C'est donc en travaillant que vous avez retrouvé espoir dans la vie. Ah, c'est en travaillant que j'ai retrouvé espoir, vraiment, oui. À travers ces foyers de vie, l'APF offre une alternative aux hospices et bâtit une communauté. Désormais, les personnes handicapées ne veulent plus être des objets de soins, mais des sujets de droit à part entière. À l'aube des années 70, le congrès de l'APF à Paris marque ce changement de philosophie et affirme la volonté de sortir du champ de l'assistance. Cette association a pour but essentiellement de répondre aux souffrances et aux nécessités des handicapés moteurs qui sont l'objet actuellement encore d'aumônes et non pas de justice sociale. Les événements de mai 68 servent de tremplin à ces idées neuves. Élaborées avec les associations, la loi du 30 juin 1975 consacre l'intégration des personnes handicapées dans la société. Le principe d'accessibilité leur accorde une nouvelle place dans l'espace public. Le renversement de regard nous amène à penser que le contexte lui-même doit être réaménagé. C'est l'idée, peu à peu, d'une accessibilité universelle. Dans les années 90, le combat change de dimension. L'APF et son nouveau président, Paul Boulinier, donnent une envergure européenne au mouvement. En France, les personnes handicapées revendiquent leur expertise et refusent désormais qu'on parle en leur nom. On ne peut pas nous imposer de décisions nous concernant sans nous. Après des années de mobilisation, les efforts portent leurs fruits. Votée le 11 février 2005, la loi sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées pose les premières pierres de la société inclusive. J'appelle chacun d'entre nous à intégrer la situation des personnes handicapées à l'occasion de chacune de ses décisions, au moment d'élaborer chacun de ses projets. Mais dans les années 2000, les 30 Glorieuses sont loin. Les espoirs de la loi de 2005 se heurtent à la crise. Le culte de la performance a remplacé l'État-providence et les personnes handicapées sont touchées de plein fouet. Ni pauvres, ni soumis, ils étaient plus de 20 000 à réclamer cet après-midi un revenu d'existence décent. Coordonné par l'APF, ce collectif d'une ampleur inédite fait de la précarité son combat majeur. En mars 2020, la pandémie de Covid-19 frappe la planète. Les confinements successifs replongent les personnes handicapées dans l'isolement. Mais l'association, rebaptisée APF France Handicap, ne faiblit pas. Elle innove en fabriquant des masques transparents adoptés par tous et remporte en 2022 une grande victoire. Après des années de combat, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé est enfin votée. Le mouvement est en marche. J'espère avec vous qu'il ne s'arrêtera plus. Derrière ce singulier niche universel, les grandes problématiques humaines et les grandes inquiétudes qui nous animent tous. Et je dirais d'un mot, nous sommes les mêmes. propos comme Kujat pour parler d'une personne qui est amputée en haut des cuisses. C'est aussi grave que d'utiliser le terme, par exemple, de nègre pour parler des personnes de couleur. La promotion du vélo reste majeure, quelle que soit la situation et le degré du handicap. Je n'avais pas saisi que l'on allait pouvoir faire pédaler un pied beau ou un cul-de-jatte. Trêve de plaisanterie. Mais ne vous en déplaise, il me convient de l'exprimer. Autorisé, monsieur le maire, j'aimerais bien réagir au propos de madame Françoise Blanc tout à l'heure. Faites. Suite au rapport sur le handicap, parce que ces propos m'ont extrêmement choquée. Tout ce que vous avez dit, en fait, madame Blanc, révèle de l'oppression des personnes handicapées par les personnes valides. On appelle ça le validisme. Et les propos que vous avez utilisés sont pour moi inadmissibles. Les propos comme Kujat, pour parler d'une personne qui est amputée en haut des cuisses, c'est aussi grave que d'utiliser le terme, par exemple, de nègre pour parler des personnes de couleur. Or, vous n'oseriez pas, pardon, dans cette instance, avoir des propos aussi racistes que cela. Alors évidemment, vous vouliez peut-être parler d'une évolution, mais à la fin de votre propos, vous avez utilisé le terme d'être, ces êtres, comme s'il y avait une différence de nature entre les personnes handicapées et les autres personnes. Et ça, c'est vraiment, pour moi, inadmissible. Il n'y a pas de personnes handicapées et de personnes valides. En fait, la société est composée d'hommes et de femmes avec leurs atouts ou leurs différences, leurs difficultés, qui sont évolutives dans le temps et qui sont évolutives aussi dans la société. Je me permets de rappeler la définition de l'ONU sur le handicap. Le handicap, en fait, est la conjonction de trois facteurs. Une déficience physique, sensorielle ou intellectuelle d'une personne, mêlée à une non-acceptabilité de la société et mêlée à des difficultés d'accessibilité. Et en fait, c'est cette conjonction qui crée le handicap. Et on voit dans votre propos qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge pour la partie d'acceptation des personnes handicapées dans la société. Je pourrais pas maintenant déconstruire en fait l'ensemble de votre discours au regard du validisme, on n'en aurait pas le temps, mais tout ce qu'on doit combattre est dedans. La médicalisation du handicap, l'objectivation des corps, le misérabilisme, l'infantilisation, la négation de la dignité. Thank you.

je vois la vie s'échapper de ses lèvres. Et rien à faire, rien pour l'en empêcher. Je suis un savant, j'en ai guéri des femmes. Mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver. Lave-la qui passe, écoute, retiens ton âme. Je suis ton père, ma fille bien-aimée. Je ne suis pas fou, je suis un malheureux. Vous mes élèves, écoutez, je le veux. On l'appelait l'hirondelle du faubourg. C'était une pauvre fille d'amour. Née un jour de la saison printanière d'une petite ouvrière. Comme les autres, elle aurait bien tourné si son père, au lieu de l'abandonner, avait su protéger sous son aile l'hirondelle. Petite revue de presse. Épisode de chaleur jusqu'à 40 degrés attendu ce mardi en France. C'était le mardi 18 juillet 2023. Alors, Moscou annonce la fin de l'accord céréalier. La Russie a refusé lundi de reconduire en l'état l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, crucial pour l'alimentation mondiale. Donc, les choses sont en train de encore s'aggraver. Entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et d'autres dont on fait partie. Les peuples vont subir. Les électeurs devront choisir des politiques compétents et honnêtes. Ce sera dur. C'est avec notre vie que les politiciens et les financiers jouent leur chef. Ils font les chefs. La Cour des comptes alerte sur la gestion de l'eau en France. La France n'en fait pas assez pour réduire sa consommation d'eau, selon la Cour des comptes, qui fait une série de recommandations dans un rapport publié lundi. Les objectifs du plan d'eau présenté au printemps ne seront pas à la hauteur. Remiremont, une boutique Garnier-Thiébaut s'installe rue de l'Axavé. Enquête, disparition d'Émile. Des juges d'instruction s'emparent du dossier. Oh, j'aurais préféré qu'on mette dans le journal, dans Vosges Matin du mercredi 19 juillet, sont chargés de l'enquête, plutôt que s'emparent du dossier. Hein? Ça, il y a un certain mépris pour la justice, on dirait, là, dans certains journaux, hein, auxquels on paye des abonnements. Remiremont, hôpital, il est temps de jeter un pavé dans la mare. Dit le Philippe Clocher, ancien chirurgien au centre hospitalier de Remiremont et président du conseil de surveillance. Alors, quelqu'un a ajouté dans la marge, nous avons fait quelques manifestations pour défendre l'hôpital public, association l'ADEMAT. Hein? Ensuite, l'ubérisation de l'État. Emmanuel Macron est un président pro-business. Il ne s'en est jamais caché, cependant, son inclination pour les multinationales ne cesse de lui valoir des déconvenues. Hier, ce sont les largesses à l'égard du cabinet McKinsey qui étaient épinglées. Aujourd'hui, c'est plus grave, il s'agit d'une enquête parlementaire assez accablante sur ses relations avec Uber et consorts. Durant 6 mois, les députés ont planché sur l'action de l'État pour encadrer, voire museler le phénomène d'ubérisation. Leur conclusion est claire et révèle l'incapacité de notre système pour mesurer et prévenir l'influence des intérêts privés sur la décision publique. Eh oui, c'est pas bien beau tout ça. Un rapport dénonce, le mercredi 19 juillet 2023, Vosges Matin, un rapport dénonce les liens étroits de l'ex-ministre Macron avec Uber. Le rapport final de la commission d'enquête et parlementaire sur les Uber files, publié mardi, pointe du doigt une relation opaque et privilégiée nouée avec Emmanuel Macron, avec la plateforme américaine, du temps où il était ministre. Une proximité étroite qui a perduré après son arrivée à l'Élysée. Voilà. La commission avait été initiée par la France insoumise. Voilà, voilà, voilà. À Hollywood, les humains, c'est pas un Z, c'est un H, les humains redoutent l'invasion des robots. À Hollywood, les humains redoutent l'invasion des robots. Des robots. À terme, pensez-vous pouvoir travailler main dans la main avec l'IA, avec l'intelligence artificielle? Il y a très certainement des choses intéressantes à faire, par exemple faire lire la presse par une voix artificielle pour les non-voyants, faire parler des objets intelligents, électroménagers, voitures, etc. La ligne à ne pas franchir, c'est de vouloir remplacer l'humain dans un film ou à la radio. On supprime le lien avec les émotions, il y a du sous-texte dans la voix que la machine ne pourra jamais faire car elle n'a pas de conscience. L'IA, ce n'est que de la statistique à éclaircir, à développer la réflexion sur l'intelligence dite artificielle. On a déjà l'informatique, hein. Oh oui, qui joue un rôle de plus en plus important. La télématique qui joue un rôle de plus en plus important dans la vie de l'humanité, dans le fonctionnement de l'humanité. Chavelot, le conseil adopte un projet de panneau photovoltaïque. L'américaine Fiona Scott Morton renonce à son poste à Bruxelles. Eh oui, souveraineté européenne. La puissante direction générale de la concurrence est chargée de veiller au bon fonctionnement de la concurrence dans l'Union européenne et d'enquêter notamment sur les abus de position dominante des géants du numérique qui ont donné lieu à des amendes records ces dernières années. Voilà. Alors c'était le risque, c'était une ingérence de Washington dans les décisions de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas depuis un certain nombre d'années, dans un certain nombre de domaines concernant la vie quotidienne de beaucoup d'entre nous, sans qu'on s'en doute. Eh oui. Gouverner, c'est pas forcément mettre le peuple dans le coup, hein. Oh non. Les salaires sur le point de rattraper l'inflation. Jeudi 20 juillet 2023, Vosges matin. Bon, ben on verra bien. On vérifiera, hein. Mort de Naël, la cagnotte du policier visée par une enquête pour escroquerie. La mort de Naël avait provoqué une vague de violence urbaine, dit-on. Qui a déclenché ce mouvement? Qui l'a dirigé? Qui l'a arrêté? Question, point d'interrogation. Série de l'été, ces 5 députés qui ont percé, Arthur Delaporte, un chercheur, à l'Assemblée. Tous les jours de la semaine, on demande à un primo député inconnu, il y a un an, le sens de son engagement politique, personnel et collectif. Ce qu'il retient de sa première année de travail législatif. Aujourd'hui, Arthur Delaporte, député PS, NUPES, du Calvados. Être député, c'est galvanisant. Arthur Delaporte, 31 ans, est enthousiaste au sujet de la première année de législature. Voilà. Eh oui, ça doit être très intéressant, si on fait bien les choses. Si on est de gauche. Transport, l'avion. Beaucoup plus polluant, mais souvent moins cher que le train. Il vaut mieux souvent prendre l'avion que le train pour voyager en Europe et même en France, en faisant des économies. Greenpeace dénonce des écarts de prix qui vont à l'encontre de l'urgence climatique. Les compagnies low cost, qu'est-ce que ça veut dire low cost en français ? Ben, j'ai pas mon dictionnaire à portée de la main, alors voilà. Les compagnies low cost proposent souvent des tarifs plus abordables que le train, qui est pourtant 80 fois moins émetteur de gaz à effet de serre que l'avion. Le train est 80 fois moins émetteur de gaz à effet de serre que l'avion. Sida, l'espoir grâce à un nouveau patient en rémission. Un cas exceptionnel, un homme désigné comme le patient de Genève est en longue rémission du VIH après avoir reçu une greffe de moelle osseuse ne présentant pas une mutation connue pour bloquer le virus. Une nouvelle qui ouvre potentiellement des pistes pour la recherche. Oh, il y a déjà un certain nombre de chercheurs qui sont dans cette direction-là. et qui risque de trouver des résultats très intéressants, très positifs, avant peu, sans doute. Meurthe-et-Moselle, Grandjean confirmé, Braun quitte le gouvernement. La NACN, ministre en charge de la formation professionnelle, défend la méthode gouvernementale avec l'arrivée de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Ouais. Le Messin, en revanche, est remplacé par Aurélien Rousseau. Meurthe-et-Moselle, la SNCF a testé le train sans conducteur. La SNCF a testé le train sans conducteur. Alors, il y a quelqu'un qui a souligné, train secrétaire fédéral de rail. Pour lui, c'est la mise en application d'un dogme par la SNCF. On veut retirer l'agent de conduite. Comme ça, sans humain, pas de grève. Eh oui, remplaçons tous les OS par des robots et tous les députés, sénateurs, ministres, cadres, etc., par de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'Irak fulmine contre la Suède après la profanation d'un Coran. L'Irak a ordonné jeudi l'expulsion de l'ambassadeur suédois à Bagdad en réaction à la profanation d'un exemplaire du Coran à Stockholm. Une initiative qui a aussi entraîné un assaut contre l'ambassade suédoise à Bagdad, incendiée par des manifestants. Ah oui, profanation d'un Coran. Alors le Coran, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, je vous lirai des passages. Alors un passage du Coran, un passage de la Bible, pour voir, comme ça, pour voir si c'est intéressant. La première page d'un livre et la première page de l'autre, c'est pas brillant. L'humanité, elle fait ce qu'elle peut, l'humanité, hein. Elle invente ce qu'elle peut quand elle pense qu'elle doit le faire. 4 policiers suspectés de violence à Réunion, à Marseille. Arrêté au Portugal, Armando Pereira a débuté sa carrière dans les Vosges. Toujours détenu au Portugal pour des faits de corruption et blanchissement d'argent, l'homme d'affaires Armando Pereira a commencé son incroyable carrière dans les Vosges au milieu des années 80. Et il revient souvent dans le département où il est même en train d'y construire un chalet du côté de Liézé. Ah oui, c'est un beau chalet, hein. Oh là là là, un beau gros chalet. Eh oui, oui. Alors le Sogetrel serait son bébé. C'est le début de la success story. Success story. Vous avez votre dictionnaire à portée de la main? Moi pas. Pour sa société basée à Thaon-les-Vosges, son essor est phénoménal et elle devient l'un des principaux sous-traitants de France Télécom, notamment dans le cadre du développement du déploiement de la fibre. Bon, voilà. Tout va bien dans le monde des affaires. Tout va bien. Eh oui. Il n'y a que les salariés et les sans-travail qui subissent les conséquences du non-fonctionnement de cette société à la gomme. Territoire de Belfort, Jean-Louis Étienne, grand témoin du forum hydrogène. Jean-Louis Étienne, celui qui est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986, devrait parler de la plateforme océanographique zéro émission, PolarPod, sur laquelle il conduira une expédition à travers l'océan Austral en 2025. Cette plateforme sera alimentée par 6 éoliennes et des cellules photovoltaïques. Il voulait quand même pas embarquer une centrale nucléaire, hein, vu l'encombrement, vu le poids, vu la dangerosité de la chose. Eh oui, l'éolien, le solaire, eh oui, c'est la solution. Comme dans l'espace, l'éolien et le solaire. Les Français obligés de se priver n'ont jamais été si nombreux. Les difficultés financières poussent de plus en plus de ménages à se priver de chauffage, de viande ou de vacances. Selon l'INSEE, les privations s'accentuent dans les communes rurales à cause du coût de l'énergie. Et pas que dans le rural, hein. Partout. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Eh oui, vous qui avez voté pour Macron, et pour Sarkozy, et pour Pompidou, et pour Giscard d'Estaing, etc. Eh oui, vous êtes trompés, vous nous avez trompés. Ouais. Les chiffres toujours plus flous, plus fous, par contre, plus fous, F-O-U-S, du livret A. avec un taux maintenu à 3% pour les 18 prochains mois, le livret A engrange toujours des fortunes. Point de suspension, très diverses, des fortunes. Oui. Le livret A. Ah ben, le livret A, ça rapporte énormément. Hein, 3%, c'est plus que le coût de la vie. Hein. Ah oui, les prix n'ont pas augmenté de plus de 3% ces derniers temps. Hein. Les salopards de pourriture qui nous gouvernent, ils font les choses bien. Hein, oui, dans l'intérêt du peuple. Ben oui. Ils ont dit ça au 14 juillet. Non, ils l'ont pas dit. Bon, ils l'ont pensé très fort quand même. Hein, oui. Même les gens de droite, ils sont révolutionnaires. À leur façon. Dans un contexte d'inflation et d'incertitude sur l'avenir, le livret A s'affirme ainsi comme le produit d'épargne préféré des Français, qui sont 55 millions à en détenir un. Des centres de santé d'Alliance Vision dans le viseur de la Sécu. 13 centres de santé du groupe Alliance Vision épinglés pour une série de fraudes dont le préjudice est évalué à 21,5 millions d'euros vont être déconventionnés par la Sécu. Voilà. Voiture à hydrogène, la start-up, what is it? Start-up française Hopium, H-O-P-I-U-M, en redressement judiciaire. C'est dommage parce que la voiture à hydrogène, à mon avis, c'est l'avenir. Du point de vue de l'énergie, du point de vue de la pollution, du point de vue... Enfin, voilà. Les batteries, les ci, les ça, voilà, ça serait résolu. Le stockage de l'énergie, ah oui, le solaire, l'éolien, qui se produisent au moment où peut-être on en consomme un peu moins. Voilà. Tétanos, des douleurs atroces, une maladie mortelle. Le tétanos est une infection aiguë, grave, non contagieuse, trop souvent mortelle, puisqu'un vaccin permet de s'en protéger. Voilà. Eh oui, on a des moyens de protéger l'humanité, l'espèce humaine. Ah oui, oui. Arnaque à la sécu, le centre Alliance Vision de Nancy affiche complet, mais plus pour longtemps. Voilà. Et oui, la privatisation de la médecine, c'est très grave. Très grave. Il y a eu l'année de la femme, il y a eu l'année de l'enfant. 1982 a été désigné en haut lieu pour être l'année des cons. C'est étonnant, non? Je me trouve ce soir chez le professeur Macaulay-Luchard, qui a été choisi en haut lieu, pour organiser et pour superviser cette année des cons. Alors, tout d'abord, professeur, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Et alors, j'imagine que si vous avez été désigné pour assumer cette lourde responsabilité, cette mission importante, c'est que vous devez être vous-même très con. N'exagérez rien, disons simplement que je suis un vrai con, ou sacrément con, si vous préférez. Oui. La première question que tout le monde se pose, c'est, en un mot, où sont les cons? Bien que votre question ne soit pas particulièrement conne, je vais tâcher d'y répondre. Voici la carte conographique de la France qui nous montre assez clairement la répartition géographique des cons dans l'hexagone. En rouge, vous voyez les départements à forte densité de cons, en jaune les départements à moyenne densité, en vert les départements à faible densité conographique. Si l'on compare cette carte à celle de la répartition démographique, que constatons-nous? Nous constatons qu'en France, c'est dans les départements les plus peuplés qu'on rencontre le plus de cons. Si bien qu'on peut dire qu'au niveau de la spécificité... Absolument. D'ailleurs, le con n'est pas immuable. Il migrate, comme nous le montre cette troisième carte. Nous voyons ici la répartition conographique estivale de la France. L'été, en effet, les cons rejoignent le littoral par horde très serrée. Ils s'agglutinent ainsi pour ne pas perdre, ne fût-ce qu'un mois par an, la chaleureuse promiscuité de la ville. Ils forment un conglomérat continu de Calais à Hendaye et de Port-Vendres à Nice. On dit alors qu'ils sont un peu cons. Sur les bancs. Oui. Alors, seconde question que se posent tous les gens qui nous regardent, professeur Macaulay-Luchard, c'est à quoi reconnaît-on les cons? À sa façon de s'habiller. Ah bon? Enfin, disons que c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper. Ah bah, et comment s'y prend-on précisément? Bah, c'est très simple. Mettez 10 personnes dans une pièce, observez-les bien. Sur ces 10 personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les 9 autres. C'est un con. Est-ce qu'un con peut être déconifié? C'est pour ainsi dire impossible. Même s'il est pris à temps? À l'heure actuelle, si un con est décelé à temps, disons qu'une fois sur 100, il peut être traité. De quoi? De con. De con. Oui, c'est infime. Oui, effectivement. À vous entendre, professeur, on a l'impression que cette année des cons s'annonce très bien. Ah, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous, mais en effet, je touche du bois, ça me semble pas mal parti. Quels sont les grands événements qui vont marquer cette année des cons? Les événements habituels. De ce côté-là, nous n'avons pas changé grand-chose par rapport aux autres années, où tout s'est toujours très bien passé pour nous, nous le reconnaissons. Non, c'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort, puisque nous allons inaugurer le musée des cons, un musée immense qui montrera toutes les œuvres réalisées par les cons depuis 20 ans. C'est énorme. Oui, on s'aperçoit que c'est considérable, bien plus qu'on ne pouvait le penser. Et quel sera le prix d'entrée alors de ces salles? 500 francs pour les cons, 10 pour les autres. Je ne vous cache pas que nous espérons faire une belle recette qui me sera d'ailleurs intégralement remise pour être sûr qu'elle ne soit pas intelligemment dépensée ou placée, ce qui serait trop con après tous les efforts que nous avons déployés pour organiser cette année. Alors, je crois qu'on peut dire quand même, professeur, que tout a été prévu jusque dans le moindre détail pour que cette année des cons 1982 soit une réussite absolument totale sur tous les plans. Je vous remercie, professeur Macaulay-Luchard. Quant à moi, il ne me reste plus... Quel con! Là, vous êtes trop con! Alors vraiment, c'est l'année! C'est étonnant, non? Tabernito en la urbo, kutime tiesi das ciuini. Por discutire voi de futuro, cae trinquia calicoi du autri. La gaia tagoien, pasintai tempoien, la canto danzo risin sen fina, la vivo pesa sien, con chi unia te, la iura futur planas sen gen. Pasis jaroj okupitaj, miaj sonĝoj flugis den for, sed ne perdis ni la bona espero, brilas niaj revoj en la cor. La gaja tagoj jen, pasintaj tempoj jen, canto da sorrisi sin sentir, la vivo pesa sien, con chi non mi ace, la iura futur plana sen gen. Tavernu haltis mil vespere, samis cio kiel frue pli, visaggio sur la glaso spegulite, spectrigis tutte fremde tiel lì. La gaia tago ien, pasintai tempo ien, la canto danzo rigis min sen fin, la vivo pesa sien, con chirunia c'è, ma io non la futur plana sen gen. Das mi vin, vocas vin hieno. Jen amico, igis ni pli agiae, peredigis nur al mi la ita sogni. La gaia tago jen, pasintai tempo jen, la canto danzo rigis min sentin. La vivo pesa sien, con chirunia sien, la iura.